métal, un peu de mon sperme sur le torse juste pour rigoler. Tu en as tout plein tes doigts de fée, tu es si belle, oh oh. Vivre avec toi c'est quand même magique, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux sans fric. Mathieu Costa nous dit qu'il est flic, tu es si belle, oh oh. La cathédrale de Metz s'embellit, la gorge profonde n'est pas un délit, mais sur un chien ou un enfant, si, tu es si belle, oh oh. Il fait quand même un petit peu trop chaud, j'ai l'impression d'être à Montpellier, dans une cave et de champignonner, tu es si belle, oh oh. Va va va va va va va va va, je t'ai pécho sur du Jodassin, bientôt tu suceras mon cousin, tu es si belle, oh oh.